Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue chez Dr Disco et Mr Funk. C'est samedi, on va passer une demi-heure ensemble à découvrir et redécouvrir des titres. Alors, pour la découverte du jour, je vous propose Atlantic Star avec son titre Circle. Le groupe est américain et voit sa création en 1976. Au début, il se fait appeler Newborn, mais très vite, accepte de changer de nom pour des raisons commerciales bien sûr. Alors, ils ont connu plusieurs numéros 1, dont le titre My First Love et Always. Ils ont sorti leur dernier album en 2017, Metamorphosis. Ben moi j'ai choisi Circle pour la découverte et dire que je connaissais pas avant cette émission. Allez, bonne découverte! Trying to bear these days. Eh ben, pas mal du tout cette découverte. Hein. Moi, j'aime quand une émission commence comme ça, sur les chapeaux de roue. Allez, on va continuer, les amis. Il est maintenant temps de passer aux 100 hits. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à Anita Ward et son Ring My Bell, sorti en 1979. Originaire de Memphis, elle est institutrice et rencontre le chanteur, auteur, compositeur Frederick Knight, qui connaît le succès en 1972. Elle va composer des titres pour Benny King et Loleatta Holloway, entre autres. Séduit par le timbre de voix d'Anita, il accepte de lui produire un album composé de ballades, mais tient surtout à rajouter un titre disco pour s'attirer les faveurs des DJ. À l'origine, Ring My Bell est composé pour une ado, mais lui fait faux bond. Alors Knight, il va sentir le potentiel en changeant les paroles pour la rendre plus adulte, et bien sûr, il va la proposer à Anita Ward, qui, sans enthousiasme bien sûr, accepte de l'intégrer à son album. Le texte final parle d'une femme qui relaxe son homme fatigué d'une dure journée de labeur. Alors si Anita est une femme pieuse pour qui Knight tient à écrire des paroles sans contenu à caractère sexuel, bien sûr, l'expression « tu veux sonner ma cloche » est pourtant interprétée par la critique et les mauvais esprits comme une image à double sens. Construit autour d'un groove funky, le morceau marque son époque grâce à son « piou », je le fais bien. Ce son associé au disco devient vite désuet, mais la même année, Shalamar l'utilise sur son hit Second Time Around, que l'on a déjà écouté, je vous rappelle, mais qu'on écoutera bien encore. Ward est surprise de voir sa chanson atteindre la première place dans de nombreux pays. Bah, malheureusement, ça sera son seul hit. La chanteuse aurait mérité une meilleure destinée, vous ne croyez pas ? Yeah. Fadjet à Nancy sur 94.2. C'est plus qu'une radio. C'est plus qu'une radio. Dans la série bande originale, on va continuer avec celle du film Thanks God It's Friday. On va écouter aujourd'hui le morceau de Patty Brooks, After Dark. Le titre sera aussi le plus grand hit de la chanteuse et figurera sur son second album, How Mrs. Brooks. Elle est toujours active de nos jours, mais moins productive, et vit surtout sur son passé. Le son, eh ben, il est bien disco, en pleine adéquation avec la période. C'est parti. We'll be right back. Le maxi du jour, on va le consacrer à Imagination et à son titre So Good, So Right. Extrait de leur premier album Body Talk, sorti en 1981, disque d'or et numéro 1 en France, c'est un des titres qui a contribué à faire connaître au monde entier le groupe et aussi montrer que la formation était en avance sur leur temps en produisant un son bien british. Alors, on va passer aux actes en l'écoutant maintenant. Like a rainbow in the air. So right. Give up the cloud. arrive à la fin de notre émission et il est temps d'évoquer la pépite. Dans la famille Jackson, je voudrais le frère Jermaine. On a déjà écouté Let's Get Serious lors d'un précédent numéro. Aujourd'hui, on va continuer dans les extraits de l'album Let's Get Serious en écoutant You've Got to Hurry Girl. Le 45 tours est sorti en 1980 en France et fleure bon la funk et le disco. Bah, malheureusement, comme souvent, il est passé relativement inaperçu et tombé dans les oubliettes de la musique. C'est pour ça, votre serviteur Fred vous propose de vous le faire écouter maintenant. Alors je vais vous souhaiter un bon week-end, une bonne semaine, je vous dis à samedi prochain, même heure, même endroit, pour de nouvelles aventures. Bye bye.